J'ai mal. Tu m'entends ? Hé ? Tu m'entends ? J'ai mal. J'ai mal au bide, comme s'il était noué dans tous les sens. J'ai les larmes qui tiennent en équilibre sur le coin de mes yeux. J'ai mal à la gorge. J'arrive plus à parler. Je peux plus parler. Ou alors je dois hurler pour que ma voix surpasse les sanglots. Mais j'ose pas hurler. On pourrait m'entendre à côté, me prendre pour une folle, pour un fou. M'enfermer, peut-être. Décider ce qui est bon pour moi. J'étouffe. Tu m'entends ? Hé, tu m'entends ? J'étouffe. Mes poumons ne se remplissent plus d'air. Mes muscles manquent d'oxygène. Mes larmes sont toujours là, au coin de mes yeux. Je suis en colère. Hé, tu m'entends cette fois ? Je suis en colère. Je suis tellement en colère. Ma voix s'élève chaque fois que je veux te parler. J'ai l'estomac qui bouillonne en permanence. J'ai envie d'hurler, à en faire trembler ton monde. J'ai mal, j'étouffe, je suis en colère, car tu m'empêches de respirer, de vivre, de me lier. Tu n'es que destruction, asservissement, annihilation de nos pouvoirs. Je veux naître une seconde fois, hors de ton emprise. Ai-je le droit de naître une seconde fois ? Puis-je éclore à nouveau ? Peut-on éclore à tout âge ? Pour soi ? Pour les autres ? Qu'est-ce qui nous le permet ? Qu'est-ce qui nous en empêche ? La peur du jugement, du rejet, de la solitude, de ne pas plaire ? À peine né, tu m'as rangé directement dans une boîte. Puis tu as mis cette boîte dans une autre boîte, puis une autre, encore et encore, jusqu'à me ratatiner, jusqu'à ma forme la plus simple, la plus arrangeante, la moins dérangeante, la plus rangée peut-être ? Facilement empilable, une boîte sur l'autre, densifiée pour mieux écraser. Ai-je le droit de naître une seconde fois ? Puis-je éclore à nouveau ? Subvertir mon identité ? Je gratte la première boîte, juste pour étirer mon petit orteil. Il est tout ratatiné, tout rabougri, la marque de mon asservissement. Je gratte du bout de mes ongles rongés par l'angoisse. Je gratte, ça grince, le sang coule, le sang de mon couple, le sang de ma conscience, le sang de mes règles, le sang de mon genre. L'oxygène rentre dans la boîte, mes poumons se gonflent d'un peu de fierté, d'un peu de culot. Ils se gonflent si fort qu'ils fissurent la paroi de la deuxième boîte. La fissure s'inscrit sur mon corps, ce corps dont on m'a appris à avoir horreur, ce corps qui hurlait à l'idée d'être couvert d'une robe, ce corps censé définir qui je suis. Pourquoi veux-tu m'enfermer ? Pourquoi veux-tu nous enfermer ? Que crains-tu ? Que si l'on perce notre chrysalide, tu ne puisses plus nous asservir ? Nous sommes tes bras, tes cerveaux, nous sommes nécessaires à ta reproduction. Tu ne te serais pas donné tant de mal pour nous étouffer si tu ignorais que notre éclosion signifiait ta fin. Tu nous martèles d'images d'épinal qui ne résonnent plus en nous. Tu nous dresses les uns les unes contre les autres, car tu crains notre pouvoir collectif. Tu étouffes nos émotions, car tu crains leur puissance. Tu veux nous garder dans le droit chemin, mais nous commençons à déraper de partout, à dégouliner. Les poils s'allongent là où tu ne veux voir que peau lisse. Les cris rauques se font entendre là où tu ne souhaites que des voix aiguës et calmes. Les barricades se dressent là où tu pensais que la limite invisible de la propriété privée suffisait à nous maintenir en dehors. Alors on dérape, on glisse, on dégouline, hors de ton chemin, dont les murs invisibles, intériorisés, nous ont gardés trop longtemps, prisonnières et prisonniers. Tu nous rattrapes parfois, trop enfoncés dans la boue vivante qui retient nos pas. Tu nous rattrapes et tu nous enfermes. Dans tes bureaux, tes usines, tes hôpitaux, tes prisons, tu nous enfermes. Tu sais bien que ça ne nous remettra pas dans ton droit chemin. Tu n'y crois pas, toi non plus. Tu veux juste nous désespérer, nous dissuader de refaire un faux pas. Car tu sais que plus que quiconque, la vue de tes murs de ciment tue toute vie en nous. Mais tu ignores peut-être que la crainte d'une vie hors sol est plus forte que celle de tes murs de ciment. Un jour, ils se fissureront, et nos pieds se réenfonceront dans la vie fourmillante de la boue, de la tourbe, de tout ce que tu essayes d'étouffer sous tes tonnes de béton, de ciment, de goudron. Ta plus grande peur est qu'on découvre notre pouvoir collectif, la puissance transformatrice de la lutte contre toi et contre ce que tu as voulu faire de nous. Tu crains notre éclosion, celle que tu as tenté d'étouffer le plus longtemps possible. Tu nous fais croire qu'on ne peut pas naître une seconde fois, qu'on a déjà éclos, comme on le devait, que c'est notre essence. Mais on est là, et on doute de notre essence. On essaye de renaître, chacun, chacune à notre façon, dans des directions qu'on ignorait nous-mêmes. Alors tu paniques, tu nous arraches nos terres, nos lieux, tu bétonises tout pour qu'on ne sente pas notre lien au vivant, aux autres, à nous-mêmes. Tu homogénéises tout sous tes coulées grises pour briser notre imaginaire. Tu uniformises pour qu'on ne croie pas en la diversité des mondes. Tu rends le monde insipide pour nous enlever l'envie de goûter autre chose. Tu nous coupes de nos liens aux autres, aux vivants. Alors on erre dans les ruelles. On se cherche, on cherche de nouveaux lieux où faire corps à nouveau. Mais on sait que tu vas nous les enlever, aussi vides et usés soient-ils. Tu as peur qu'on amène de la vie dans ces murs gris et fissurés. Tu crains qu'on y retrouve la vie. Tu te caches derrière ta sacro-sainte propriété privée, derrière ta logique du capital. Mais tu crains bien plus notre pouvoir collectif et subversif que la perte de quelques capitaux. Alors une fois encore, tu nous chasseras, ou tu nous enfermeras, si tu peux nous rattraper. Tu es puissant, mais pas assez pour nous arracher notre souffle de vie. Il est bien trop ardent. On est les fissures, on est les brèches, on est les traverses, des poumons dispersés, cachés, planqués, liés par notre autoroute du ciel ou par nos chemins souterrains. Nous sommes multiples, beaucoup sont invisibles, certains certaines plus que d'autres, mais nous sommes là, tu as beau nous piétiner, on renaît à chaque fois. Même lorsqu'on pensait ne plus pouvoir. Mais ne t'étonne pas que chaque renaissance soit accompagnée de plus de colère. Tu crées cette colère. Je n'en veux pas, elle me fatigue, elle me donne des vertiges. Mais parfois, elle me donne aussi la force dont j'ai besoin pour continuer, pour ne pas me laisser piétiner. Mais elle me fatigue, elle fait couler trop de larmes, les miennes, celles de mes proches. Elle ne sait pas toujours où ni comment s'exprimer, car on m'a appris à la retenir. Mais je ne peux plus, elle est là, elle explose. Je suis tellement en colère de ce que tu as fait au monde, de ce que tu fais au monde. Je suis tellement en colère de ne plus trouver de sens nulle part. Je ne crois plus à aucune de tes histoires. Je suis en colère que tu m'aies menti comme ça. Je ne crois plus à rien de toi. Je ne veux plus rien de toi. Je veux te détruire comme tu nous détruis. Ça ne me fait pas plaisir. Ça me fait même peur. Je ne veux pas de ton monde sans couleur, sans vie. Je ne veux pas de ton monde guerrier. Mais tu fais de nous des guerriers et des guerrières. En nous détruisant la vie, tu crées la mort en nous. Mais au milieu de tout ça, je veux renaître. Je ne crois plus en toi, en aucune de tes valeurs. Mais je crois à d'autres choses, à beaucoup d'autres choses. Je veux échapper à la pesanteur de ton monde. Je veux grimper sur la cime des arbres et respirer enfin. Je veux que le monde foisonnant mette mes sens en éveil. Je veux repasser par le sensible et me libérer de tes dogmes. Je ne connais pas encore les contours de ce à quoi j'aspire. Ils sont flous, des fois lointains et des fois très proches. Ils prennent parfois forme, juste un moment, au fond d'une grotte urbaine ou au sommet d'une colline vivante. Je sens que ce qui est en train de se tisser est bien plus fort que tes promesses de sécurité matérielle. Je sens les milliers et les millions de petits êtres en train de tisser leur toile. Je sens qu'on se relie patiemment pour résister au monde mortifère que tu nous proposes. Alors continuons à fissurer ton monde, à lui redonner vie. Reprenons possession de nos villes, de nos vies. Arrêtons de protester, mais résistons, joyeusement ou en colère. Montons les chemins sinueux des collines, descendons dans les grottes pirates, lions-nous pour exploser de créativité et de puissance. Déployons-nous partout, là où nous nous trouvons, avec ce que nous pouvons, avec ce que nous sommes. Dégoulinons sur nos villes bétonnées pour leur redonner un souffle de vie. Jaillissons, débordons, ruisselons partout, coulons, laissons-nous éclore et continuons à tisser notre toile. Elle est encore bien trop pleine de trous, à cause de combats d'ego, de dogmatisme, de privilèges inconscients, de radicalisme rigide, de peur, de stigmatisation. N'ayons pas peur du conflit, n'essayons pas de tout pacifier, mais tissons patiemment, avec humilité, sans tisser à la place des autres. Tissons si bien, si fort, que la prochaine fois que le sentiment de vertige me prendra, que la prochaine fois que j'aurai l'impression de me laisser chuter dans le vide, je n'aurai plus peur de tomber.